Mesdames et messieurs, à l'harmonica, il vient du Canada. Il s'appelle Yo Spare Change. À l'orgue, il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre 31 à l'orgue. Jean-Pierre, est-ce que tu as trouvé les accords ? Jean-Pierre s'il a trouvé les accords. Jean-Pierre, dès que tu as trouvé les accords, on commence la chanson. Jean-Pierre, est-ce que tu as trouvé les accords? Jean-Pierre, did you find the agreements? Jean-Pierre, est-ce que tu as trouvé les accords? In this case, we can start the song. In this case, we can start the song. On y va. On y va. On y va. Baladé sur l'avenue, le cœur ouvert. Ah ouais, on va commencer. Yes. Ok. There is a drummer. Enlever la batterie. Ok, Sylvain, à la batterie, Sylvain. Sylvain qui joue la batterie, alors on enlève la batterie. Ok, j'enlève la batterie. Ok, I am ready, but I must mute qui the drum track trompe. For me. For Sylvain batterie. Drummer. Thank you, Sylvain. Merci, Sylvain, on y va. Alors j'enlève la batterie. Attends, parce que. Ben, your mic has muted. I don't hear you anymore. Où est Ben? Vacuuming. Mon conjoint passe l'aspirateur. Mm-hmm. Ok. Ready? Allez, go. Go, go, go, go. I start to measure one. Yes, yes, on joue, yes, yes. One, two, three, four. Thank you.